22.2, compréhension auditive, phase 1, regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Robert est seul. Mireille est partie. 2. Est-ce que je peux téléphoner? 3. Le service est compris? 4. Allô? Bonjour madame. Ici Robert Taylor. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. Vous entendrez plusieurs phrases pour chaque image. A. Le service est compris? B. Robert donne un billet de 100 francs au garçon. C. Il est en train de boire son troisième tir. D. Madame Courtois est sortie? Ah bon? Merci. Merci beaucoup. Je l'ai rappelé dans une demi-heure. E. Allô, Madame Courtois? F. Robert est seul. Mireille est partie. G. Oui, monsieur. Au sous-sol. À côté des toilettes. H. Est-ce que je peux téléphoner? I. Allô? Bonjour, madame. Ici Robert Taylor.